voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant de l'équipe de l'Ouraganan qui a perdu hier contre la formation de l'Alberta par le pointage de 7-5. Ce midi, c'est à midi heure du Québec, ils vont affronter l'Alberta dans un match vraiment crucial pour l'équipe de Laura Guénard. Maintenant, on va parler que les Jeux du Québec, ça s'en vient à très très grand pas. Ça sera présenté du 25 février au 4 mars prochain. Hier, on a dévoilé qu'il y aura quand même plusieurs activités qui seront présentes pendant ces Jeux. Il y aura la démonstration de motoneige, il y aura également des jeux gonflables, et du bubble également qui sera présenté, ainsi qu'un jamboree de snowboard, initiation d'un bar, les tournois de hockey. Il y aura également plusieurs feux de camp. Donc, évidemment, ça sera présenté à l'intérieur du centre-ville d'Alma. Et l'organisation des Jeux du Québec a maintenant 2000 bénévoles d'inscrits pour assurer le bon fonctionnement des Jeux. Il reste des bénévoles à trouver dans le centre d'hébergement et dans le montage et le démontage des équipements. Maintenant, hier, on a parlé dans la section entrevue de DonnerSport.com avec l'instructeur-chef des Cougars de Chicoutimi, Nick Menacci, car on sait qu'il est en France actuellement pour recruter des joueurs. Et Nick Menacci explique comment ça fonctionne son périple. Bon, comment ça fonctionne? Moi, en arrivant ici, une des premières choses qu'on a fait, c'est j'ai vu des matchs. J'ai vu des matchs de football au niveau de la division senior nationale. Ici, ça marche que il y a une division élite, une division 2 et une division 3 au niveau senior. Donc, c'est 19 ans et plus à ce niveau-là. Okay. Donc, c'est moins un calibre qui nous intéresse à nous. Nous, on regarde plus des jeunes qu'on appelle U19, donc des jeunes de 16 à 19 ans qui jouent dans les différents programmes de la France. OK. Depuis qu'on est arrivé, je te dirais qu'on a multiplié les rencontres avec les parents, avec les jeunes. Pendant mon séjour à Bordeaux, j'ai eu la chance d'assister à des entraînements. J'ai eu la chance d'entraîner les joueurs également du pôle Aquitaine, qui est dans la région de Bordeaux. Okay. Donc, j'ai eu l'occasion d'entraîner les jeunes, de pouvoir faire profiter de mon expertise à ces jeunes-là, de pouvoir en même temps de partager avec les entraîneurs aussi. On a fait le tour de ce qu'ils appellent le CREPS. C'est le centre d'excellence de Bordeaux. Donc, les joueurs qui font partie des équipes nationales françaises s'entraînent pour la plupart au CREPS à Bordeaux. Et les autres s'entraînent souvent avec où on va demain, au pôle Picardie. Dominique Menacci estime que le football s'améliore beaucoup en France. Et dans une autre idée, il a bon espoir d'annoncer du recrutement pour des joueurs de football du haut du Lac-Saint-Jean à son retour au Québec dans une semaine. Et je termine avec hockey. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues d'hockey Saint-Pélette. Il y avait deux matchs, en fait. Et ça s'est soldé d'abord dans la classe Atombée. Les Sables de Roberval ont gagné sur les Lynx d'Alma 3-1. Et dans la même catégorie, les Sénateurs de Saint-Félicien ont battu les Sables de Roberval 6-2. Le sport local et régional, à DonnerSport.com. On s'en occupe.